déjà nuit. Non, il est encore tôt. Je peux toujours t'apercevoir. Est-ce que tu vas te souvenir de moi ? Je peux pas t'effacer. On connaissait la fin. Ouais. Elle était, c'est toujours plus loin d'eux. Je crois que je suis fatiguée. Tu peux rester encore un peu ? Toi aussi, tu peux rester. Girl, sugar, dreaming of our wedding day. She says you live in the past, boy, and then I feel okay to leave the good old friends to marry her today. She really got me out of surfing across the USA. I swear I feel alright, boy, but don't take a girl anyway. I swear I feel alright, boy, but don't take a girl anyway. I gushy gushy girl dreaming of a wedding day. I gushy gushy girl dreaming, get it anyway. Girl, sugar, dreaming of your wedding day. I'm gushy, gushy, girl, dreaming, and get it anyway.